vraie de tout temps. Dans bel pays de Canaran, pour la mauvaise même m'a prité, ennemi a poussé pour tomber. Mais Jésus qu'elle ne pas à faire, du moins il fait là dans la gloire. C'est la vraie, allez.